99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Have you been to Wonderland? There's lots of toys and ice cream.

deux hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous, nous serons morts, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons. Nous aurons eu la mauvaise partie quand les hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui serons morts, mon frère, nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère, dans la grande chaîne de la vie. Pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous, nous serons morts, mon frère. Et bienvenue à Méloman sur les ondes du 99.1, 88.9 CFNJ FM, ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 17 février 2021. Une petite introduction un peu différente encore ce soir parce que, comme vous l'avez probablement entendu ou même vu peut-être sur le groupe Facebook Méloman, que je vous invite à rejoindre évidemment, eh bien, on a perdu dans l'espace d'à peine une semaine deux géants de la musique, chacun dans leur branche bien définie. D'une part, M. Raymond Lévesque, qu'on vient tout juste d'entendre décédé de la maudite COVID à l'âge vénérable de 92 ans, il y a deux jours de ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un grand artiste, un grand homme qui a laissé derrière lui une œuvre magistrale, indélébile, et ma foi, très volumineuse, parce qu'il nous a laissé plus de 500 chansons, 5 pièces de théâtre, une cinquantaine de revues humoristiques, il faisait aussi des monologues, 7 recueils de poésie, et là j'en passe, sans compter que, on se le cachera pas, c'est quelqu'un qui est venu nous chatouiller la fibre nationaliste assez vivement. Merci, on va en reparler tantôt. Il suffit d'écouter certaines de ses chansons comme « Bozo les culottes » pour s'en rendre compte. C'est sans équivoque. En fait, c'est facilement un des grands hommes qui constitue le mortier même des fondations du Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour le meilleur et pour le pire peut-être. Chose certaine, ça serait complètement autre chose sans des hommes comme lui. Mais Raymond Lévesque était surtout un artiste, un idéaliste dont l'horizon était beaucoup plus large que ça encore. À preuve, la pièce intemporelle qu'on vient tout juste d'entendre, vous allez me dire, c'est pas original, on l'a entendu partout depuis lundi. Mais comment passer à côté de « Quand les hommes vivront d'amour » Ça va être repris par tout le monde. Premièrement, c'est incontestablement son plus grand classique. C'est une chanson intemporelle. c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de notre Imagine québécois, bien à nous, une chanson avec laquelle tout le monde est d'accord, parce que on le souhaite, personne n'est contre la vertu. Tout le monde rêve à ce dont nous parle Raymond Lévesque dans cette chanson-là. Et c'est un maudit beau testament dont peuvent rêver beaucoup d'artistes. Chapeau, M. Lévesque, qui, en 1958, a composé cette chanson-là, soit dit en passant, quand la guerre d'indépendance de l'Algérie a éclaté. Un événement qui a résonné chez plusieurs Québécois de l'époque, on s'en doute. Parce que de 52 à 54, Raymond Lévesque va animer à Radio-Canada la série télévisée des variétés « Mes jeunes années » avec Colette Bonheur. Puis ensuite, il va quitter pour la France. Il va aussi demeurer à Londres. En France, il va demeurer là de 1954 à 1959. Donc, il va se faire connaître là-bas juste un petit peu après Félix Leclerc, qui, lui, si je ne m'abuse, va arriver en France en 1950, parce que nul n'est prophète en son pays. Il va falloir qu'il se fasse connaître là-bas pour se faire reconnaître ici. Mais pour revenir à Raymond Lévesque, ben de 54 à 59, il va enregistrer chez Barclay, grosse étiquette de disque là-bas. Jacques Brel, plein de monde vont enregistrer là. Et plusieurs vedettes là, de l'époque vont reprendre ses chansons, comme Bourville, Jean Sablon, Cora Vauquer, Eddie Constantine, etc. Il va se produire là-bas dans des cabarets parisiens, dont Le Port du Salut et La Colombe. Et plus tard, malheureusement, des fois, j'écoutais hier Marc-Hugo Dupré aux Égarés de la bande. Ils ont parlé beaucoup de Raymond Lévesque, des belles, beaucoup de beaux points qu'ils ont amenés. Puis il disait justement, on avait l'impression qu'il était déjà décédé, M. Lévesque, parce qu'il avait quand même 92 ans. Mais la raison pour laquelle, une des raisons du moins, je ne suis pas un proche, évidemment, mais pour laquelle on entendait moins parler de lui, c'est qu'en 1986, il va commencer à être atteint de surdité. Donc, il va abandonner la chanson complètement. Mais il va, au cours des années, par le biais de différentes manifestations, il va participer activement à la vie politique du Québec. On va y revenir un petit peu tantôt. Et sinon, ben juste avant, nous, on a entendu un des flûtistes de jazz les plus connus au monde, Herbie Mann, qui va jouer avec, comme vous l'imaginez, à peu près tout le monde. On l'a entendu ici en 1965 avec Feeling Good, qui nous vient originalement d'une comédie musicale de 1964 du nom de The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd, et qui va surtout être popularisé par la grande Nina Simone. Vous avez sûrement reconnu la mélodie. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est que au sein de l'orchestre d'Herbie Mann, on a pu entendre un jeune Chick Corea qui amorçait à l'époque ce qui allait devenir un parcours légendaire, s'il en est un. Un pianiste, un compositeur incontournable, un véritable géant du jazz. En fait, une des dernières légendes de la glorieuse époque qu'on a tous en tête quand on parle du jazz. Deuxième génération, on pourrait dire, qui foulait encore le même sol que nous, mesdames et messieurs. Il en reste plus beaucoup. Et malheureusement, lui, bien, on l'a perdu des suites d'une forme rare et fulgurante de cancer, et ce, mardi passé. Mais on l'a su seulement jeudi, donc on va en reparler abondamment ce soir parce que c'est chic et qu'on ne peut pas passer à côté à Mélomane. Mais reste qu'on va quand même entendre toutes sortes de choses ce soir. On a aussi entendu la magnifique Dominique Fils-Aimé, qu'il faut absolument connaître si ce n'est pas déjà fait, montréalaise de descendance haïtienne, à la voix sublime, aux albums qui sonnent, mais vraiment comme une tonne de briques. D'ailleurs, elle vient tout juste d'en sortir un nouveau vendredi passé qui s'appelle Three Little Words. J'ai pas encore eu le temps d'aller écouter ça, mais c'est sûr que ça va arriver bientôt. Sauf que là, ce qu'on a entendu, ça nous provient de son tout premier album, Nameless, paru en 2018, et qui ouvrait avec sa version à couper le souffle d'un classique qui déjà est un gros morceau en soi, au propos assez cru, merci. Une chanson originalement popularisée par la grande Billie Holiday et qui a pour nom Strange Fruit. Et tantôt, je vous mentionnais que Dominique Fils-Aimé était de descendance haïtienne. Eh bien, ça pourrait ne pas être pertinent dans un autre contexte, mais c'est très pertinent ici parce que Strange Fruit est une chanson qui, historiquement, du moins, comment dire, à mon humble avis, pourrait être un peu bizarre dans la bouche d'un caucasien, disons. suffit d'écouter les paroles. Bref, une chanson très lourde de sens. D'ailleurs, ça me fait penser au film Antebellum que j'ai finalement vu cette semaine. À voir si vous ne l'avez pas vu, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et sinon, pour revenir à nos moutons, ben, on a aussi entendu Bernard Wright avec son classique Abo Glabo Tribin de 1981 avec la basse Tony Truant de la légende Marcus Miller, qui d'ailleurs va aussi jouer à l'occasion avec Chick Corea. Et la chanson, elle, va évidemment faire son chemin jusque dans le rap pour être échantillonnée par Dr. Dre et compagnie dans des chansons comme G's and Hustlers de Snoop Dogg en 1993. Et le tout qui a été amorcé par Earth, Wind & Fire, groupe qui a connu un énorme succès et qu'on a pu entendre beaucoup plus tard accompagner Phil Collins, grand bassiste dans ce groupe-là aussi du nom de Virgin White. On les a entendus avec In the Stone de 1979 qui suivait le classique des classiques, les premiers balbutiements de ce qu'on appelait à l'époque le jazz rock. En fait, juste après Miles Davis, lui aussi on va en reparler tantôt, le jazz rock qu'on allait appeler plus tard le jazz fusion, parce que c'est venu beaucoup plus tard. On a entendu Spain avec son intro qui cite le fameux Concierto de Aranjuez du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo. On a entendu le groupe Return to Forever en 1973, groupe formé par Chick Corea, dans lequel on pouvait retrouver des petites pointures de l'époque comme Stanley Clark à la basse, le Brésilien Arto Moreira aux percussions, la batterie Joe Farrell à la flûte. Des fois, il y en a, j'ai connu des flûtistes classiques qui me disaient « ça se peut pas jouer du jazz à la flûte », et bien, on l'a entendu ici par Joe Farrell. Mais là, j'en passe parce qu'on va en reparler de tout ça et qu'on a un gros programme à se mettre sous la dent. Tout ça à Méloman ce soir, aux 99 ans. Et 88.9, c'est FNJ. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Thank you. last $5. It's raining now. Mommy don't feel like she got it down. Watch out, cause I heard that's coming around. Feel like she need to breathe today. Thank you. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Hey! Thank you so much. Merci beaucoup. Un ciel dégagé cette nuit, moins 23 à moins 16 degrés. Du soleil jeudi, ennuagement en mi-journée, maximum de moins 8 à moins 7. Et neige intermittente vendredi, moins 7 à moins 5 comme maximum. CFNJ 98.9. Et c'est toujours à Mélomane que ça se passe ce soir, avec une ambiance un peu plus jazzée par moments, encore une fois, au plaisir des uns et aux grandes dames des autres. Mais c'est normal, on ne pouvait pas passer sous silence le grand apport musical du regretté Chick Corea ce soir, entre autres. Et si on fait pas ça à Mélomane, où va-t-on le faire? Je vous pose la question. Mais là, juste à l'instant, on n'était pas avec Chick Corea, on était, imaginez-vous, avec le groupe Platine des années 80 que tout le monde connaît pour des succès comme Hold the Line et Africa. Et j'ai nommé les fameux Toto qu'on a entendu avec un autre de leurs grands succès, gros succès, Rosanna, originalement de 1982. Mais là, on a entendu leur version live vertigineuse de la même chanson. Et tout ça au Zénith de Paris en 2007. Et vous avez sûrement remarqué qu'on oublie beaucoup trop souvent que les gars du groupe étaient des musiciens chevronnés. Et là, c'est un euphémisme, parce que c'était des musiciens de session très, très prisés et avec une raison, qui vont jouer sur toutes sortes d'albums, en plus des leurs, dont le fameux Trailer de Michael Jackson. Steve Lukather et compagnie du groupe vont jouer sur cet album-là et sur multiples albums de ces années-là. Donc, bref, des musiciens qui, quand ils décident de se payer la traite, sont en territoire assez jazzé, merci. Et là, on les a entendus pour la première fois avec une autre légende de la basse. Décidément, ce soir, on a du musicien au pied carré. Le grand Leland Sklar, un autre musicien de session qui a pratiquement un record d'albums à son actif. L'accompagnateur parfait, qui fait toujours... Parfois, il va être virtuose, mais il va toujours s'attarder à faire le parfait contre-champ pour accompagner vraiment là où il doit être. Il va commencer sa carrière avec James Taylor, mais il va jouer avec... Je vous le dis, c'est vraiment des records, le nombre d'albums sur lesquels il a pu être. Vous l'avez peut-être déjà vu, entre autres, auprès de Phil Collins aussi, facilement reconnaissable avec sa grosse barbe de Gandalf. Et juste avant ça, bon, on était, bien sûr, encore une fois avec Chick Corea, avec un de ses énormes classiques, Armando's Rumba, tiré de son excellent album My Spanish Heart de 1976. Album sur lequel on pouvait, encore une fois, retrouver des grosses pointures comme Jean-Luc Ponty au violon, et Steve Gadd à la batterie, qui va beaucoup jouer avec Paul Simon aussi. Chose qui était précédée ici par quelqu'un que je vous conseille vivement, mais vraiment, vraiment à aller découvrir. On a entendu la très talentueuse Xenia Rubinos avec Lonely Lover en 2016. Je vous encourage vraiment à aller voir sa performance complètement incarnée au fameux Tiny Desk Concert sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine. Xenia Rubinos, qui suivait ici le grand arrangeur et compositeur Quincy Jones, trompettiste aussi. S'il y en a qui ont vu le film Ray Charles, en fait, le film Ray sur la vie de Ray Charles, vous pouvez voir Quincy Jones à ses tout débuts, qui jouait de la trompette. Et Quincy Jones, mais qui est derrière, entre autres choses, le fameux Thriller dont on parlait tantôt, mais qu'on a entendu ici sous son propre nom en 1973 avec sa version du succès Summer in the City, originalement popularisé par The Lovin' Spoonful en 1966. La chanson est très transformée parce que je suis persuadé que vous connaissez l'original. Et le tout amorcé par le seul et unique Serge Reggiani avec son gros hit « Il suffirait de presque rien » en 1970. Mais c'est pas tout ça. Parce qu'en 1976, après avoir formé Return to Forever et presque inventé à lui seul, du moins après Miles Davis, comme on disait tantôt, qui avait joué avec lui de toute façon, le fameux jazz rock alias jazz fusion, Chick Corea va revenir sous son propre nom pour un excellent album qui s'appelle The Leprechaun. évidemment entouré de musiciens exceptionnels, dont le grand Steve Gadd à la batterie dont on vient tout juste de parler. On écoute le classique Night Sprite à Méloman, tout ça au 99.1, 88.9 CFNJ. Making him proud like the real thing. I come from the land of

of love going down for the third time. You came and saved me, dear. Saved me, dear. All the sweet things you've been doing, I ain't never been used to them. Don't ever stop them, dear. Stop them, dear. Oh, I'm thankful every day, ooh, that you came away. Ooh, and I'm gonna make sure, ooh, that you'll never ever go away. 'Cause you, oh, you got what I need, little girl. Everything oh, I need. Oh, yeah. Medicine to me. Oh, baby. flottait dans son pantalon. De là lui venait son surnom, beau joli culotte. Il n'y avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, beau joli culotte. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, beau joli culotte. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, beau joli culotte. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, beau joli culotte. Les Anglais avaient les bonnes places et qui lui riaient en pleine face, beau joli culotte. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, beau joli culotte. C'est son élite, c'est son clergé, depuis toujours l'avait trompé, beau joli culotte. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, beau joli culotte. A fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, beau joli culotte. Tout le pays s'est réveillé et puis la police l'a poigné, beau joli culotte. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis ce temps, beau joli culotte. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, beau joli culotte. Nos politiciens à gogo, quand les braves font les pharaons, beau joli culotte. Ils réclament enfin tes droits, et puis les autres refusent pas, beau joli culotte. De peur qu'il y en ait d'autres comme toi, qu'elle a voulu recommencer, beau joli culotte. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, beau joli culotte. Quand on est de la race des pionniers, on les fait pour être oubliés. Bozo les culottes. Bozo les culottes. Et c'est toujours à Mélomane que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 où on célèbre quelques grands disparus, comme on disait tantôt. D'une part, le grand Raymond Lévesque qu'on vient d'entendre une fois de plus avec un de ses grands classiques, Bozo les culottes, qui, contrairement à Quand les hommes vivront d'amour, qui se voulait plus humaniste au sens large, là, on a affaire avec Bozo les culottes à une critique acerbe, sans équivoque, de la réalité à laquelle a dû faire face Raymond Lévesque au cours de sa vie, comme plusieurs Québécois de son époque. Donc, on était un peu plus tard dans sa carrière, en 1967, soit 3 ans avant les événements d'octobre 1970. Et là, imaginez, je ne sais pas si vous avez écouté un peu les paroles, là, mais c'est quasi prophétique. Quand on y pense, quand on écoute les paroles comme il faut. Et soit dit en passant, ça n'a pas beaucoup été avancé dans les médias cette semaine, mais l'ironie du sort a voulu que M. Lévesque soit décédé exactement 182 ans après la mort par pendaison de François-Marie Thomas Chevalier de Lormier, à l'âge de 35 ans, la suite de la fameuse rébellion des Patriotes. Drôle de détour du destin. Donc ça, tout ça est arrivé le 15 février 1839. Bref, quand même, ça boucle la boucle d'une drôle de façon quand on connaît l'histoire de Raymond Lévesque. Et sinon, ben, juste avant, on était avec le saxophoniste Eric Kloss avec une reprise funky de 1970 de Sunshine Superman, gros succès pour Donovan. 4 ans seulement auparavant, et vous l'aurez deviné, un enregistrement où on pouvait retrouver un jeune Chick Corea derrière le clavier, aussi à la guitare. Évidemment, je pourrais nommer plein d'autres musiciens, mais le grand Pat Martino. Et écoutez bien ça, l'histoire de Pat Martino. Déjà, une pointure inégalée à la guitare, vraiment grand guitariste de sa génération. Tout d'un coup, il va avoir un accident de voiture. Pat Martino va oublier comment jouer de la guitare, complètement. Il ne se souvient plus comment jouer de la guitare. Et là, il va se regarder lui-même, des vidéos de techniques de guitare. Il va réapprendre à jouer la guitare pour devenir encore meilleur. Imaginez, quand même une histoire assez spectaculaire. C'est lui-même qui va se réapprendre à lui-même à jouer la guitare pour devenir encore meilleur. Évidemment, on peut se douter qu'il y avait peut-être une espèce de mémoire physique des choses, là, mais quand même, c'est assez surprenant. Et là, Sunshine Superman, ben c'est comme je disais, un gros succès pour Donovan en 66. Et c'est pas tout, ben des liens en veux-tu, en v'là. Juste avant ça, on a entendu justement Donovan en personne, cette fois-ci en 1968, avec son classique de l'époque psychédélique « Hurdy Gurdy Man », qui elle-même suivait la même année « You Got What I Need » de l'excellent Freddie Scott, une chanson qui va engendrer plus tard en 1989 « Just a Friend », dorénavant un classique du rap old school pour Biz Markie. Ce qui me rappelle en passant la fameuse revue de l'histoire du rap par Justin Timberlake et Jimmy Fallon, si jamais vous avez une chance d'aller voir ça sur YouTube. Et on a aussi entendu le toujours bienvenu Henri Salvador, magnifique, avec la pièce qui gagne la palme de la chanson la plus vieille de la soirée, avec le loup, la biche et le chevalier, gros classique qu'on appelle souvent erronément une chanson douce. On était en 1950. Et c'était précédé ici par un groupe que je vous encourage vivement à découvrir, la formation Toon Yards, menée de main de maître par Merrill Garbus depuis 2009. Un groupe à voir en spectacle aussi, que j'ai vu en spectacle vraiment toute une expérience. Si jamais ça peut recommencer un jour, évidemment, les maudits spectacles. Ben sinon, je vous invite à aller voir Toon Yards live on KEXP, une station de radio de Seattle. Encore une fois, ça se trouve facilement sur YouTube. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus. Toute une performance. Mais là, Toon Yards, on les a entendus ici avec Real Thing en 2014, juste après, comme on avait dit tantôt, Night's Pride de Chick Corea, l'album de Leprechaun de 1976. Mais c'est pas tout, ça. C'est pas tout, ça. Encore plein de belles choses à venir dans le prochain bloc, à commencer par un petit détour par la soul et R&B du groupe The Love Potion. Tout ça à Meloman sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. One thing

99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Toujours à Méloman ce soir sur les ondes de CFNJ. De retour de ce qui va s'avérer, vous vous en doutez, notre dernier bloc de la soirée. Mais comme toujours, on va se faire un bref tour d'horizon de ce qu'on vient d'entendre. Le tout s'est terminé avec l'artillerie lourde sur un doublé Chick Corea qu'on célébrait ce soir à travers une émission qui se voulait malgré tout variée. On vient d'entendre de l'époque du Chick Corea Electric Band, époque John Patitucci à la basse, Dave Wickle à la batterie. Il y en aurait long à dire, mais bon. En 86, avec Got a Match, qui suivait quelque chose du tout début de la carrière de Chick Corea, en fait, au sein du groupe du trompettiste Blue Mitchell en 1965, du typique hard bop, époque Blue Note, une composition de Chick Corea qui s'appelle tout simplement Chick's Tune. Et qu'on a entendu juste après quelque chose de beaucoup plus récent, 2018, avec la formation I Don't Know How, But They Found Me et leur single Do It All The Time, qui suivait une toute petite pièce paisible de Return to Forever en 1973 du nom de Children's Song, la première d'une longue lignée de Children's Song pour M. Corea, comme ses fans doivent déjà le savoir, et chose qui était précédée du soul des Cornelius Brothers et Sister Rose avec Too Late to Turn Back Now en 1972, précédée la même année par les toujours bienvenus Bee Gees, en toutes circonstances, toujours épique, avec Run to Me. Et c'est ce qui met fin à notre émission de ce soir. Merci d'avoir été là. Je le sais, c'est exigeant pour certaines personnes, le jazz, mais on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre Méloman. Et on ne pouvait pas passer à côté de Miles Davis, qu'on entend en ce moment même, aux côtés de qui Chick Corea s'est fait un nom pour les années à venir. Dans une reprise, en plus, d'une chanson de Crosby, Stills & Nash, Guinevere. qui sera suivi de Windows, une des toutes premières compositions connues toujours pour Chick Corea dans sa première version de 1967 avec Stan Getz. En vous souhaitant une bonne nuit à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Thank you.